le chat et le mammouth. Le mammouth dit « Moi, c'est pas chat et je suis de l'Himalaya. » Le chat chuchote « Moi, c'est chouchou et j'habite sous la chaise. » Le mammouth est méthodique. Il note « chouchou le chat ». Mais le chat est léthargique. Il se couche dans sa cachette.